depuis. Dans le bas qui caille sa mère. J'ai de moins en moins d'amis. Sans maman je compte mes frères. J'apprécie pas trop tes bas gros, méfie-toi. Trop de méchants autour de moi et j'ai les idées noires. J'encaisse grave si tu savais. Tu connais pas ma vie, fais pas comme si tu savais. Démarre tu avant, n'y va. Elle fait la star là, j'y va, laisse tomber. Qu'est un mort, ça sent fort dans la ville. C'est normal, y'a trop de clics dans la file. Les bosseurs où y'a les géos. Belle et calée, condé dans la lèvre. Si tu te fais péter, ça va mal aller. Le gamin s'est bien garé dans la lèvre. Ni moyen ni l'envoyé. J'ai des idées noires ce soir, j'ai des idées noires ce soir. Me laissez pas seul ce soir, ils vont jamais s'en remettre. Devant toi ils parlent de moi, et toi tu me défends pas. J'ai des idées noires ce soir, j'ai des idées noires ce soir. J'suis dans Bourbier et Jess Planet. Siri met un chaos, t'atterris sur une autre planète. Le but restait un, travailler son art, pas être une copie. Quand on allait voler, toi tu préférais galoche ta copie. Sans erreur j'ai appris, ça a forgé mon vécu. J'ai grandi donc j'ai compris, ils sont remplis de calculs. J't'avais relevé de détomber, tu m'avais rien demandé. Qu'est-ce que t'as mort, ça sent fort dans la vie.